Salut Pascal. Alors, il paraît que tu veux quitter la France? Oui, j'en ai marre de ce petit train-train quotidien. Mais qui te l'a dit? Je parie que c'est Marie-Jo. Quelle concierge celle-là. Ne lui en veux pas. Elle me l'a dit pour me rassurer. Je trouvais que tu avais mauvaise mine ces derniers temps et je me demandais ce qui se passait. Tu es gentil de t'inquiéter pour moi, mais tout va bien. J'ai seulement envie de changer de vie. Pourtant, tu as un boulot intéressant, un bon salaire. Un chouette appartement avec vue sur le bois. Justement, je trouve tout ça dérisoire et je m'ennuie. J'ai l'intention de me rendre utile. Mais qu'est-ce que tu as comme projet? J'ai pris contact avec une ONG qui combat la malnutrition dans de nombreux pays et je pense mettre à sa disposition ma compétence en logistique. C'est une excellente idée. Mais tu es certain que c'est une organisation sérieuse? Sans aucun doute, elle existe depuis plus de 20 ans. Ils vont t'envoyer où? Tu as une idée? Une préférence? Non, pas vraiment. Là où on a besoin de moi. Dans un pays du tiers-monde, bien sûr. Je suis prêt à aller n'importe où. En tout cas, tu m'épates. Je ne savais pas que ce genre d'idée te trottait dans la tête. Oh, ça fait longtemps que j'y réfléchis. Mais je n'ai pris ma décision que la semaine dernière. Tu vois, tu n'es pas le dernier informé. Tiens-moi au courant quand même de la date de ton départ, que j'organise une petite fête. Au fait, qu'est-ce que tu vas faire de ton appartement? T'inquiète pas, je t'en informerai. À bientôt, Bernard. Salut!